Quentin Bayot lit un extrait du journal de Franz Kafka. 26 octobre 1913. La famille était réunie pour le dîner. À travers les fenêtres sans rideaux, on pouvait voir la nuit tropicale. « Qui suis-je donc ? » dis-je, me prenant à partie. Je me soulevai du canapé où j'étais étendu, les genoux remontés et me mis sur mon séant. La porte qui menait directement de l'escalier dans ma chambre s'ouvrit et un jeune homme entra, le visage baissé et le regard inquisiteur. Il décrivit une courbe autour du canapé, autant qu'il se pouvait dans cette chambre étroite, et s'arrêta dans un coin sombre, à côté de la fenêtre. Je décidai d'aller voir quelle espèce d'apparition c'était là. Je me dirigeai vers lui et le saisis par le bras. C'était une créature vivante. Un peu plus petit que moi, il me regardait d'en bas en souriant. J'aurais dû être convaincu de son existence rien qu'à voir l'insouciance avec laquelle il inclinait la tête et disait « Mettez-moi donc un peu à l'épreuve ». Néanmoins, je l'attrapai devant par le gilet et derrière par la veste et je me mis à le secouer. Sa belle et lourde chaîne de montre en or attira mon attention. Je l'empoignai et tirai dessus avec tant de violence que la boutonnière à laquelle elle était attachée se déchira. Il me laissa faire, se bornant à contempler les dégâts, essayant vainement de faire tenir le bouton du gilet dans la boutonnière déchirée. « Que fais-tu ? » dit-il enfin en me montrant le gilet. « Tiens-toi tranquille, » dis-je menaçant. Je commençai à courir autour de la chambre. Du pas, je passais au trot, du trot au galop. Chaque fois que je passais devant l'homme, je levais le poing vers lui. Il s'occupait de son gilet, ne regardait pas du tout de mon côté. Je me sentais très libre. Ma respiration prenait déjà un rythme exceptionnel. Ma poitrine sentait que mes vêtements constituaient l'unique obstacle à sa dilatation prodigieuse.